noir, pas de sale italienne. Ton beau sourire me fait du bien. Dans la vie, y'a que toi qui me soutiens. Y'a trop de jaloux, je te préviens. Il faut que tu tiens à moi. Ton beau sourire me fait du bien. Dans la vie, y'a que toi qui me soutiens. Y'a trop de jaloux, je te préviens. Il faut que tu tiens à moi. La, la, la, la, la, la, la. Bisous les jaloux. Cette route, elle n'existe pas. On continue notre chemin et laisse les parler. La caravane passe et les chiens aboient. Quoi qu'il arrive, je t'abandonnerai jamais. Non, je ne peux pas vivre un jour loin de toi. Et moi je vis, et vous habla habla habla. Ici ma vie, Envidiosos, calma calma calma. Je suis libre et je fais ce que je veux dans ma vie. Empêche-moi et si tu peux. هذه يا خليها.